ciel est gris entre bleu et noir. Dehors j'entends la pluie qui remplit le soir. Je voudrais bien changer le temps qu'il fait, et puis le temps qui passe sur le trottoir d'en face. Et puis je voudrais changer ce que je vois dans la glace, tout ce que je sens fragile comme du verre qui casse. Demain il fera jour, comme on dit souvent. Et si je pouvais être bien, tu vois, ça ferait longtemps, longtemps. Mais tout ça en somme, ça demande au minimum un crayon, une gomme ou l'amour d'un homme. Avant j'étais quelqu'un, je me sens plus personne. Est-ce que ça revient une fois qu'on se pardonne tout ce qu'on aurait dû faire et qu'on n'a pas fait, tout ce qu'on avait de lumière et qu'on a laissé brûler? Mais tu sais, tout ce qui se conjugue au passé, c'est pas pour rien que ça s'appelle l'imparfait. Mais si je peux changer, venir moi-même, c'est que je t'ai trouvé, que toi, toi tu m'aimes quand même. Car tout ça en somme, ça demande au minimum un crayon, une gomme, l'amour d'un homme. Oui, tout ça en somme, c'est ce que la vie nous donne.